je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mule qui charme, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton divan. Et quand tu es seul, abandonne l'instant.